إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام نعمة الهداية والإرشاد فقد أنعم الله تبارك وتعالى بنعم كثيرة وفضلنا على من خلقه تفضيلا وجعلنا من المسلمين بل جعلنا من الموحدين الذين يوحدون الله تبارك وتعالى في العبادة وجعلنا من متبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى هداية ومرشدا ومبينا ومبشرا للعالمين فذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شأن العلم والعلماء فقد رفع الله تبارك وتعالى العلماء لأجل العلم أي العلم الشرعي قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فقد شهد الله تبارك وتعالى على نفسه بالوحدانية وأشهد في ذلك ملائكته الكرام وأولي العلم قائما بالقسط وهذه الآية العظيمة تدل على رفع شأن الملائكة وأولي العلم وكذلك قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي يرفع الله تبارك وتعالى أو يرفع الله تبارك وتعالى من اتصف بصفاتين اثنتين الإيمان والعلم وكذلك قال الله جل وعلا في سورة طه وقل رب زدني علما يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يستزيد من العلم ولم يأمره تبارك وتعالى بشيء من الاستزادة إلا من العلم الشرعي وكل هذه الآيات تدل على رفع شأن العلم والعلماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لو أدرك الإنسان نعمة العلم ونعمة الهداية إدراك لشكر الله تبارك وتعالى ليل نهار بلا فتور ولا سآمة إخوتي الكرام نحن إن شاء الله سنشرع في دراسة كتاب من الكتب المعاصرة الذي ألفه الإمام العالم السني السلفي الإمام محمد سعد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى وسأقدم لكم بعد قليل ترجمة موجزة لهذا العالم هذا الكتاب هو دعائم منهاج النبوة. سأفسر لكم ما معنى هذا العنوان ولماذا كتب المؤلف وحرر المؤلف هذا الكتاب، ما هو الغرض والمقصود وراء تحرير هذا الكتاب، وسأبين لكم أهمية معرفة المنهاج، المنهاج النبوة، وكذلك سأذكر لكم بعض أقوال الصحابة على أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق النجاة، وهو الطريق الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينهج فيها وأن يسلك فيها. طيب، أولا الشيخ مؤلف هذا الكتاب هو محمد سعيد أحمد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى، المكنى بأبي عبد الله، المكنى أي كنيته أبو عبد الله، وقد ولد حفظه الله تعالى في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بمصر، وذلك في عام 55 و900 الميلادي، وهو من العلماء المشهورين بتمسكه بالكتاب والسنة ودعوته إلى المنهاج السلفي كما سنرى ذلك بعد قليل. وقد حصل حفظه الله تبارك وتعالى على البكالوريا في الطب والجراحة من جامعة الأزهار، وعلى ليسانس الأدب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث بتقدير امتياز، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن بحث في ضوابط الرواية عند المحدثين، وعلى درجة الدكتوراه العالمية في علم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في بحث عن الرواة المبدعون من رجال الكتب، من رجال الكتب الستة، ومعه حفظه الله تعالى إجازة في 40 حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تسمى بالأربعين البلدانية، وقد تأثر بطائفة من فحولة العلماء ومحققيهم وقف أثرهم، ومنهم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وتلميذه الباغر العالم الرباني، وشيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية. فهذه الترجمة هي ترجمته الرسمية التي كانت، التي تكون موجودة في موقعه الرسمي. بعد ذلك فقد ألف كتبا كثيرة في فنون شتى، في علوم متفرقة، وهذا الكتاب الذي نحن بصدده في هذه الحلقة هو كتاب دعائم منهاج النبوة. هذا الكتاب يحتوي ويشمل قواعد وأصولا في المنهاج، في المنهاج الذي ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا معالمه. دعائم منهاج النبوة، ما معنى هذا العنوان؟ الدعائم هو جمع دعامة، والدعامة هي غركن، غركن هو الشيء الذي بني عليه وأسس عليه وأسل عليه، هذا هو غركن أو الدعامة على معنى واحد. المنهاج هو السبيل الذي يسلكه المسلم ويكون في ذلك على بصيرة من أمره، ومنهاج النبوة سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء هذا الدرس. بعد ذلك يا إخوتي الكرام، أريد أن ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء أي أخذوا وتلقوا العلم من الأنبياء مشافهة، وهذا حال وهذا شأن الصحابة. الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة أي بلا وسائط، بلا وسائط، ولذلك فهموا الدين حق الفهم وأدركوا الحقائق إدراكا تاما، لم يختلفوا في الأصول ولا في الفروع، وكانوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الجدة. فهذا الأمر أمر مهم جدا. لماذا يا إخوتي الكرام؟ لأنكم تشاهدون في هذا العصر أن المسلمون مختلفون، مختلفون في الفروع، بل مختلفون في الأصول، في أصول الدين. كيف وصلنا إلى ذلك الأمر؟ كيف اختلفنا، كيف نختلف في أصول الدين مع أن الله تبارك وتعالى رب واحد، ورسولنا نبي واحد، ورسول واحد، وديننا دين واحد، وعقيدتنا عقيدة واحدة، ومنهاجنا منهاج واحد، ومع ذلك نختلف ونتفرق ونتحزب ونتشيع؟ كل حزب بما لديهم فرحون. فالحال يا إخوتي الكرام، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف نخرج من تلك التفرقات ومن تلك التشتتات ومن تلك التحزبات؟ كيف نخرج من هذا الانحلال؟ نخرج منها بالرجوع إلى ما كان عليه إسرائيل الأول، النبي وصحابته الكرام. والمنهاج يا إخوتي الكرام يشمل كل شيء، يشمل العقائد، يشمل العبادات، يشمل الأخلاق والآداب الشرعية. هذا هو المنهج، وهذا هو المنهاج النبوة. فالأمر بالوجوب، ليس لنا الخيار يا إخوتي الكرام أن نتبع أو لا نتبع، بل يجب علينا أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فما هو المقصود، مقصود المؤلف في تحرير هذا الكتاب، في كتابة هذا الكتاب؟ يقول حفظه الله تعالى في مقدمة التبعة الثانية من هذا الكتاب، يقول: وتأتي هذه التبعة في وقت، اسمعوا جيدا، وتأتي هذه التبعة في وقت تموج فيه الدول الإسلامية موج البحر بالفتن والاضطرابات والفوضى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد كانت النية في تحرير الدعائم استباق ما يجري الآن تحذيرا وتذكيرا، فلم تغن الأسباب عن الأحداث شيئا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن منهاج النبوة عصمة من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، فحقيقة الإسلام منجاة لمن صبغ بها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول ختاما: وإني لأضرع إلى الله تعالى أن يكشف الكرب عن أمتنا، وأن يجنبنا مضلات الفتن وكيد الكفار المتربسين بدينها وثرواتها، الساعين لنشر الفتن والفوضى والانحلال بين أبناء المسلمين وفي ديارهم، وأن يجعل هذه الدعائم عصمة من خطل، وإقالة من زلل، وكشفا للكرب، ومخرجا من الهم، وهاديا بأمر الله تعالى إلى الصراط المستقيم. يقول كذلك في أثناء المقدمة من التبعة الأولى، يقول: وستجد إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب معالم دعائم منهاج النبوة، ومنها كشف علامات أهل البدع وتجرية مواقفهم وبيان طرقهم في الخداع والمكر. وسترى إن شاء الله أن سبيل النجاة في منهاج النبوة، إذ هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مصفا من كل شائبة ومنقا من كل شوب، وأعلامه لا تشتبه معها طريق ولا يدل مع معرفتها سالك. نعم يا إخوتي الكرام، هذا الكتاب أو من خلال دراسة هذا الكتاب سيتبين لنا كل هذه الأمور، كيف نكون متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتعدين عن سنة من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة، ولا تبتدعوا في دين الله تبارك وتعالى فقد كفيتم، أي كفاكم هذا الأمر. بعد ذلك يا إخوتي الكرام، فقد صدر المؤلف كتابه بحديث، ويشير بهذا الحديث إلى أهمية معرفة منهاج النبوة. يقول على مطلع الكتاب، لمن كان له الكتاب فليقرأ معي، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. لاحظوا، على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه شيخنا الألباني في سلسلة الصحيحة. هذا الحديث يبين المراحل السياسية التي تمر بها الأمة الإسلامية. في أول الأمر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أذهر الصحابة، كانت النبوة فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ كان يقوم مقام الحاكم، وكان يحكم بشرع الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، أي بالوحيين. نعم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن ابن علي، وهؤلاء الخمسة كانوا يمثلون الخلافة على منهاج النبوة، وخلافتهم 30 عاما كما ورد ذلك في حديث آخر. الخلافة على منهاج النبوة 30 عاما. وبعد هذه الخلافة أبدله الله تبارك وتعالى بملك عظ، أن كل ملك من ملوك هذه الفترة يتكادمون تكادم الحمير، كانوا حريصين على تورية الأمر ولا تورية الحكم، حتى كأنهم يعض بعضه بعضا لشدة حرصهم على تورية الحكم. وبعد هذا أبدله الله تبارك وتعالى بملك الجبري، ملك جبريل القهري كما قال الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى هذا الملك يسوق الناس بعصاه يسوق الناس بعصاه يملأ الدنيا ظلما وجورا فلعلنا نعيش فيها الآن كما قال بعض العلماء نعيش في تلك المرحلة من الحكم أو من الملك ملك الجبابرة ملوك جبابرة يسوقون الناس بالعصا ويملأ الدنيا ظلما وجورا وقال شيخنا الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول وأعظم ملوك هذا الزمان يحكمون بغير شرع الله تبارك وتعالى أي يحكمون بالظلم والجور لأن العدل كل العدل في شريعة الله تبارك وتعالى ثم بعد هذا بعد هذه الجبابرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة من جديد وهذا دليل على عودة قوة المسلمين بعد هذه المراحل السياسية فيقول العلماء لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة التي جاءت بعد مرحلته بعد النبوة وصفها بأنها خلافة على منهاج النبوة لماذا؟ ما هو الفرق بين الخلافة والملك؟ لأن هؤلاء الخمسة المذكورين الذي ذكرت لكم إياهم هم الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا النبوة بأعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم كأن النبوة فيهم كانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا وكانوا يحكمون بشرع الله كانوا على الجدة بل كانوا على الاستقامة بل كانوا على الحق المبين إذن هذا الحديث يبين لنا أن منهاج النبوة كلمة نبوية ليس فكرا من الأفكار أو قولا من أقوال أو رأيا من الآراء بل هو قول نبوي من الوحي الشريف ويعتبر لذلك من أصول من الأصول في دين الله تبارك وتعالى يعتبر أصلا من أصول الدين طيب بعد ذلك كما قلت لكم المؤلف أسس كتابه أو جعل هذا الحديث انطلاقا لما سيقول فيما بعد ثم بعد ذلك تتغرق المصنف إلى وضع منظر عام وشامل لما كان عليه إسرائيل الأول من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واعلموا يا إخوتي الكرام أن الصحابة كانوا أعظم الناس عقولا وأبغرهم قلوبا وأعمقهم علما وأدركهم فهوما وأحرسهم تطبيقا ولذلك اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقل دينه جيل فارد ومع ذلك كانت العربية طبيعتهم وسليقتهم بحيث يفهمون المعاني معاني القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهولة بلا تكلف ولا عناء ولا تعب وهذا مهم لأن الدين لا يفهم إلا من خلال اللغة العربية فالصحابة كلهم طبيعتهم وسليقتهم اللغة العربية لم يجدوا فيها تكلفا ولا نصبا ولا تعبا بل كانوا فاهمين الفهم الحقيقي لنصوص الشريعة ولما كان يحدث لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكأن اللغة العربية كانت مركوزة في فترهم وعقولهم وقلوبهم، فاجتمعوا على الكتاب والسنة ولم يختلفوا أصولا وفروعا، بحيث مصدر تلقيهم الكتاب والسنة، وبقوا على ذلك الأصل إلى أن مات الآخر منهم. هذا ميزة يتميز بها الصحابة عن غيرهم. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى: إمام من أئمة الإسلام، عاش في القرن الخامس الهجري، بين الرابع والخامس. قال هذا الإمام: اسمعوا، كان المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. أعيد لكم الكلام للذين لا يفهمون، لا تخافوا إن شاء الله سأترجم إن شاء الله. هذا الإمام، إمام الخطيب البغدادي، الذي اشتهر بتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنها، يقول هذا الإمام: كان المسلمون المقصودون هنا الصحابة، عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. هذا الكلام ذكره في كتابه الفرق بين الفرق. هذا الكلام أصل من أصول المنهج، يبين لنا حال الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا متفرقين؟ هل كانوا متحزبين؟ هل كانوا متشتتين؟ هل كانوا متفرقين؟ متخلفين؟ مختلفين؟ خالفين؟ أبدا، بل كانوا كلهم متحدين، انقادوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، واستسلموا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا الدين كما ينبغي أن يفهم. وكذلك ذكر أبي بن كعب الصحابي الجليل، هو كان يصف كيف ينبغي أن يكون المسلم في دينه بصفة العامة، يقول: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. ثم قال: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم على منهاج الأنبياء وسنتهم. ذكره ابن أبي شيبة وذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. كلام جميل على متناول الجميع من حيث الفهم، أي يقول أبي بن كعب الصحابي الجليل: العبرة في الاتباع، المعيار الحقيقي في الاتباع، وإن كانت الأعمال قليلة، المعيار الحقيقي والعبرة العظمى، هل نحن متبع النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن على طريقة غير طريقته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول عبد الله بن مسعود، يصف الصحابة، وهذا الكلام جميل جدا، يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبغرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وترائقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فتشبهوا بأخلاقهم وترائقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يصف من؟ يصف الصحابة الكرام، وهو صحابي، ولكن يصف الصحابة، هذا الجيل الفريد الذي لا مثيل له. وأخيرا قال أبو العارية رفاع بن مهران التابعي، ليس من الصحابة بل هو تابعي، يقول: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فلا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء، هذه الأهواء أي هذه البدع التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. نعم، هذا جزء وهذه جزء ممن ذكر المؤلف في كتابه. فعلينا يا إخوتي الكرام أن ندرك هذه الأمور إدراكا تاما، وأن نفهم وأن نعرف ما هو المنهاج النبوة، لكي نكون على بصيرة من أمرنا، لكي نكون سالكين عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقول المؤلف: إن منهاج النبوة عصمة من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية أصل من أصول منهاج السلف أو منهاج أهل السنة والجماعة أو منهاج أهل الحديث أو أهل الأثر، لأن أول ما يصدق عليه المؤمنين في تلك الآية الصحابة. من المؤمنون من الجيل الأول؟ الصحابة، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما قال الله تبارك وتعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويتبع غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى، أي نبتعد عنه كما هو يبتعد عنا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين أول ما ينطبق عليه ينطبق على الصحابة الكرام. إذن علينا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة إن شاء الله تبارك وتعالى. Je disais donc, mes frères, que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la science et les gens de science. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allah témoigne qu'il est le seul en droit d'être adoré. Mais les anges aussi témoignent de ceci, ainsi que les gens de science. Ce verset coranique nous explique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de sa propre personne sur son unicité, qui est la plus illustre des choses. Et il a fait témoigner sur cette chose qui n'a pas d'équivalent, c'est-à-dire le tawhid et l'unicité d'Allah, il a fait témoigner deux catégories parmi ces créatures, les anges et les gens de science. Ceci nous prouve, d'une preuve claire et évidente, que ces deux catégories parmi ces créatures ont un statut spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges et les gens de science. À défaut de ne pas être des anges, on peut essayer, inshallah, d'être parmi les gens de science ou de s'en rapprocher, inshallah, au tabaraka wa ta'ala. Allah dit aussi, Allah élève en degré ceux qui auront cru et à qui Allah aura donné la science. Donc, Allah élève des personnes lorsqu'elles se caractérisent par deux sifats, par deux caractéristiques, la foi et la science. Et Allah dit aussi, subhanahu wa ta'ala, à son prophète, ou il ordonne à son prophète, et dit, ô Seigneur, augmente-moi ma science. Et Allah n'a pas demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une chose sur laquelle il devait demander un surplus, sauf pour la science. Quand on dit science ici, c'est la science religieuse. La science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits, de faire partie de ses assemblées de science, de nous avoir compté parmi ceux qui l'adorent sans rien lui associer, de nous avoir compté parmi ceux qui suivent son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins qui essayent de le faire, et de nous avoir compté parmi ceux qui essayent de se rapprocher d'Allah, notamment par la science utile. Car, comme disent les savants, la science utile produit toujours des actes pieux. العلم النافع يثمر العمل الصالح. Alors mes frères, nous allons inchallah étudier un livre qui a été écrit par un savant contemporain dont je vais vous décrire une brève biographie d'ici peu. Ce livre là s'appelle دعائم منهاج النبوة, ce qui signifie les piliers ou les bases de la voie prophétique. Les bases de la voie prophétique. Da'aim, comme je vous l'ai dit, ça veut dire les piliers, les choses sur lesquelles on s'appuie pour fonder quelque chose, pour construire quelque chose. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en héritage la science. Mais il ne nous a pas laissé que la science, il nous a laissé un mode de vie complet, din, une religion, un menhaj, une voie à suivre, une méthodologie. Ça comprend la croyance, ça comprend les actes d'adoration, ça comprend el halal ou el haram, el ahkam ou shar'iyya, les lois légiférées d'Allah, les lois religieuses. Ça comprend les comportements à avoir et à adopter. Ça comprend les bonnes mœurs, ça comprend la voie à suivre. C'est ce qu'on appelle al-manhaj. Pour expliquer ceci correctement, il faut que vous sachiez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ceci. Alors avant de rentrer dans l'explication du manhaj, de ce qu'il implique comme acte et comme comportement, je vais vous donner une brève biographie de l'auteur de ce livre. Qui est-il ? Il s'appelle Mohamed Saïd Ahmed Raslan. Sa cunière est Abu Abdillah. Il est né dans la ville de Subk al-Ahad, dans la circonscription de Ashmoun. Donc c'est une des régions qui se trouve au nord-ouest du Caire. Il est né en 1955 de l'ère chrétienne. Quelles ont été ses études et ses prédispositions à la science ? Il a atteint le baccalauréat en médecine et en chirurgie de l'université de l'Azhar. Puis, il a eu une licence de lettres dans la branche de la langue arabe, dans les textes qui sont relatifs aux sciences islamiques. Puis, il a eu son magistère dans la science du hadith avec l'appréciation la plus haute. Et il a terminé premier de sa promotion. D'accord, c'est ce qu'on appelle al-sharaful oula, martabatil sharafil oula. Il a notamment rédigé un livre, et c'était sa thèse, qui s'appelle Dawabit al-Riwaya ind al-Muhaddithin. C'est un livre en trois volumes qui en fait retrace quels sont les critères de jugement des Muhaddithin lorsqu'ils relatent la narration du hadith. D'accord, donc il a fait une étude complète là-dessus. Par la suite, il a atteint le doctorat aussi dans la science du hadith, et il a aussi terminé premier de sa promotion, ce qui prouve ses prédispositions et sa capacité, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, dans l'apprentissage de la science. Et notamment, il a fait une étude sur les narrateurs qui ont été rendus innovateurs parmi ceux qui sont présents dans les six livres de Sunna. Ensuite, il a eu une ijaza. Donc, une ijaza, c'est une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur 40 hadiths. Al-Arba'in al-Buldaniya. Et dans sa tarjama, il dit de lui-même qu'il a été très influencé par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. D'accord ? Voilà la tarjama qui se trouve, la biographie qui se trouve sur son site officiel. D'accord ? Je ne rajouterai rien d'autre à ça, puisque lui-même s'est contenté de ceci. Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Après vous avoir expliqué ceci, je voudrais vous expliquer l'importance du manhaj. Le manhaj, c'est la voie que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voie claire et évidente que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur laquelle étaient les compagnons du prophète. Radiallahu tabaraka wa ta'ala alhum. Retenez bien ceci mes frères, c'est que on lit toujours le prophète à ses compagnons. Ils sont indissociables. On ne pourra jamais comprendre la religion sans la compréhension des sahaba. On ne pourra jamais devancer les sahaba dans la compréhension de la religion. Ni dans les actes. Ni dans le suivi et le secours qu'ils ont porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils constituent une génération unique qui n'a pas d'équivalent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants ce sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar et aucun dirham, c'est-à-dire ni or, ni argent. Aucun bien parmi les biens de ce monde. Mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui leur a pris, il leur a pris la part la plus parfaite ou la plus énorme. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé en héritage des royaumes, des terres, des châteaux, des biens de ce bas monde, quel qu'il soit. Mais il nous a laissé quelque chose de bien plus important. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Qui est au-dessus de tout ça. Quelque chose qui nous donne la vie. C'est la science. El-ilm. Et quand on parle de la science ici, c'est la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quels ont été les premiers héritiers du prophète? Quels ont été ceux qui ont bénéficié de l'héritage du prophète en premier lieu? C'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De telle sorte qu'ils ont pris cet héritage, mushafahatan, c'est-à-dire de vive voix, sans aucun intermédiaire. Contrairement aux générations qui ont suivi par la suite. Ils ont appris du prophète, ils ont appris de lui, de ses paroles, de ses actes, de son comportement, de sa vie de tous les jours. Ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les simples faits et gestes du prophète. Alors que nous, on est obligé de savoir qu'est-ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes de tous les jours et ses paroles. Alors sahaba, ce sont les premiers héritiers. Et ce sont des savants, d'une manière générale, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si on a compris ce point important, tout naturellement, on comprendra le fait que on doit revenir à ce sur quoi étaient le prophète et les compagnons du prophète, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Je mets l'accent sur ceci, mes frères, car les chiites, à n'importe quelle époque, ont fait scission avec le prophète par le biais des sahaba. Ils se sont détournés du prophète et de la sunna du prophète par le biais des sahaba. Ils ont dit que les sahaba, ils ont dit que les compagnons n'étaient pas intègres, n'étaient pas fiables dans la transmission de la religion du prophète et n'étaient pas intègres dans leur religion. Certains même en sont venus à dire que les plus grands des sahaba, parmi eux Abu Bakr ou Omar et d'autres, ont apostasié leur religion. Donc, les Shia ont fait scission avec le prophète par le biais des sahaba. Je ramènerai tout à l'heure un verset coranique qui vient appuyer ceci. Alors, revenir à ce sur quoi étaient les sahaba. Car les sahaba, mes frères, faut savoir une chose. C'était eux qui avaient les cœurs les plus purs. c'est eux qui comprenaient le plus rapidement. C'est eux qui appliquaient le plus rapidement et ça sans difficulté. C'est eux qui étaient les plus avides dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement car ils avaient compris l'importance de ceci. Alors comment nous on peut prétendre devancer les sahaba ou dire comme certaines personnes, ce ne sont que des hommes et nous on est des hommes. Quel mérite ils ont sur nous? Nous avons entendu ceci de la bouche de certains musulmans. Ceci n'est pas acceptable. Si on a compris qui étaient les sahaba, jamais on ne pourrait dire une parole comme ça. De même que les sahaba, ils avaient aussi une particularité. C'est que la langue arabe pour eux était une deuxième nature, si on peut le dire comme ça. La langue arabe c'était leur langue natale. C'était leur langue par laquelle ils tenaient propos les uns envers les autres. Par laquelle ils comprenaient le livre d'Allah. Par laquelle ils recevaient la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils comprenaient très très bien le discours qu'Allah leur tenait dans son livre. Ils comprenaient très bien le discours que leur tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses dires. Salawatullahi wa sallamu alayhi. Sahaba, parmi aussi leurs caractéristiques, c'est qu'ils se sont unis. Ils se sont regroupés autour de quoi? Autour du livre d'Allah. Autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas divergé. Ils n'ont pas fait des clans les uns envers les autres. Comme on le voit à notre époque, où les musulmans sont divisés entre eux. Où les musulmans se combattent entre eux. Chacun lève son étendard, à savoir à qui va le lever le plus haut. Et tous se réclament de la vérité. Mais comment ceci est-ce possible? Alors que notre Seigneur est unique. Notre prophète est unique. Notre religion est unique. Notre aqidah est unique. Notre menhaj est unique. Notre livre est unique. Comment alors a pu se produire toutes ces divergences, toutes ces dissensions dans l'islam? Comment on a pu en arriver ici, à ce point-là? La solution à ce problème, c'est de revenir sur quoi était la première génération de musulmans. Revenir à la source que le prophète nous a laissée, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi simplement que ça. Et si nous on fait ce même travail qu'avait fait le sahaba, on arrivera au même résultat. Mais si on ne fait pas le travail qu'avait fait le sahaba, et si on prend du livre d'Allah que ce qui nous convient, ou qui conforte nos passions, et on prend de la sunna du prophète que ce qu'on nous on aime et qui conforte nos passions, on tombera inévitablement dans les dissensions et dans les innovations religieuses. L'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui est un savant du 5e siècle de l'Hégire, qui était connu pour être quelqu'un sur la voie droite. Et notamment, il a écrit beaucoup de livres, dont un livre qui s'appelle Al-Farq bayn al-Firaq. Il a dit, écoutez bien cette parole, car elle constitue un fondement dans la voie et la méthodologie à suivre dans l'islam. Il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, les musulmans à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, les musulmans, on comprend les sahaba. Car ceux qui étaient présents à la mort du prophète, c'était les compagnons. Et rien que. Les musulmans à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur une voie unique. Que ça soit dans les fondements de la religion ou que ça soit dans ses ramifications. Sauf celui qui faisait apparaître une concordance ou une conformité avec ce sur quoi était le prophète, mais qui cacha en lui-même l'hypocrisie. Autrement dit, il dit ici, l'imam al-Khatib al-Baghdadi, que as-sahaba, les muslimoun, les croyants, les vrais croyants, étaient sur une voie unique, mis à part les munafiqoun. Cette parole-là de l'imam al-Khatib al-Baghdadi, elle est très importante à comprendre. Il faut que vous la gardiez en tête. Pourquoi? Car en fait, elle nous expose clairement l'état dans lequel étaient les compagnons à la mort du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas sous le règne de la dissension et de la discorde. Bien au contraire. Ils étaient unis dans une même religion. Dans la défense d'une même religion. Dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que Ubay ibn Ka'b radiallahu tabaraka wa ta'ala a dit une parole très importante aussi. Il dit, cramponnez-vous sur la voie et la sunna. Cramponnez-vous sur la voie droite et la sunna. Car il n'y a pas un serviteur qui est sur la voie et la sunna, qui évoque Allah et dont sa peau frissonne de par le fait qu'il craint Allah sans que ses péchés tombent comme les feuilles sèches tombent d'un arbre. La mesure dans la voie et la sunna est meilleure que la profusion d'actes dans une voie autre que celle de la voie droite et la sunna du prophète. Regardez, considérez donc que vos actes soient sur la voie des prophètes et leur sunna. Donc ici, les compagnons avaient très bien compris ceci. Il est préférable pour une personne d'être sur la voie droite, même s'il ne fait pas beaucoup d'actes. Car le critère principal, c'est d'être sur la voie droite. Si tu es sur la voie droite et que tu meurs sur cette voie, alors c'est pour toi une bouée de sauvetage. Une chose par laquelle Allah te sauvera le jour du jugement. Et il te sauvera de l'ignominie dans cette vie-là. Par contre, si tu fais beaucoup d'actes d'adoration, mais tu es sur une autre voie que celle du prophète, tous tes actes te seront rejetés à la face. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud a dit aussi sur les compagnons du prophète, c'est lui qui veut suivre une voie, qui suive la voie de ceux qui sont morts, qui nous ont précédés. Pourquoi mes frères? Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud a dit ceci? Pourquoi on ne prend pas la voie, on ne suit pas la voie des gens qui sont vivants? لِأَنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُوا مِنَ الْفِتَنِ. Car le vivant, il n'est pas préservé de la fitna, du trouble ou de l'égarement. Par contre, celui qui est mort, on sait dans l'état dans lequel il est mort. Alhamdulillah. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il parle de ceci, il parle de qui? Il parle du prophète et des sahaba qui sont morts. Et qui sont morts sur la voie droite. Celui qui veut prendre une voie, qui veut suivre une voie, qui prenne la voie de ceux qui sont morts dans le droit chemin. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Puis, Abdullah ibn Mas'ud explique ce qu'il est en train de dire. Il dit, ceux-là sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils constituent la meilleure de cette communauté. Ils constituent la meilleure, les meilleures personnes de cette communauté. Personne ne peut se prétendre meilleur qu'un sahabi. Ils avaient les cœurs les plus purs. Ils avaient la science la plus profonde. Ce sont eux qui trouvaient le moins de pénibilité dans l'accomplissement des actes. Et dans la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un peuple où ce sont des gens qu'Allah a choisis pour tenir compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de transmettre sa religion. C'est Allah qui les a choisis pour accomplir ces tâches-là, pour être les compagnons du prophète et aussi pour transmettre la religion du prophète. Pensez-vous qu'Allah a choisi n'importe qui pour cette mission? Ou plutôt Allah a choisi des hommes qui sont à la hauteur de cette amana, de ce dépôt? Allah a choisi des gens qui sont à la hauteur. Que dire des gens qui insultent les sahaba? Que dire de ceux qui rabaissent les sahaba? Que dire de ceux qui dénigrent les sahaba? Que dire de ceux qui se croient meilleurs que les sahaba? Regardez ce que dit Abdullah ibn Mas'ud, qui est un sahabi. Il a dit, ces gens-là, Allah les a choisis pour être les compagnons du prophète. Pour être les compagnons de la meilleure des créatures. Et ainsi que pour transmettre sa religion. Puis il dit Abdullah ibn Mas'ud, فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَائِقِهِمْ. Prenez-les comme modèle. Apparentez-vous à eux dans leurs mœurs ainsi que dans la voie qu'ils ont suivie. Car ils étaient sur la voie droite. Car ils étaient sur la voie droite. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui fait scission d'avec le prophète et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Ce verset-là, mes frères, il est très important, car il constitue une base dans la voie du minhaj salafi. C'est quoi le minhaj salafi? C'est la voie des salaf. C'est la voie que nous a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons. Ce verset-là, il dit quoi? Celui qui fait scission d'avec le prophète, celui qui se détourne de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et regardez bien, écoutez bien, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Quels sont les croyants ici que Allah a cités dans ce verset? Si ce n'est en premier lieu les sahaba. Qui étaient les premiers croyants? Quels ont été les premiers à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que je vous disais, mes frères, que le fait de suivre le prophète et le fait de suivre les sahaba, c'est intimement lié. L'un ne va pas sans l'autre. C'est intimement lié. Ce verset-là, mes frères, il constitue un fondement. Aslun min usuli al-manhaj al-salafi. Un fondement dans la voie ou la méthodologie des salaf. Comme l'a dit Cheikh al-Albani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, ou d'autres avant lui l'avaient dit. Alors ce verset, il est clair. Celui qui se revendique de faire partie des gens de la sunna et qui suit un autre chemin que celui des sahaba, alors celui-là, nous pourrons dire de lui qu'il n'est pas sur la voie de la sunna. Innal asma'a la tughayyiru al-haqa'iq. Les noms ou les dénominations ne changent jamais la réalité des choses. Ce n'est pas parce qu'une personne vous dit « je suis un sunni » ou « je suis min ahli sunnati wal jama'a » qu'il est effectivement comme il le prétend. Qu'est-ce qui va nous prouver qu'il est sur la voie des salafs ou la voie des gens de la sunna? C'est sa croyance, ses paroles, ses actes. C'est ça qui nous prouvera, c'est la réalité de ce qu'il est qui va nous prouver et qui va nous montrer s'il est vraiment sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pourriez trouver des personnes qui jamais vous diront « je suis sur la voie du prophète ». Mais lorsque tu le vois, il suit à la lettre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même qu'il ne le dise pas, alors on pourra déduire que c'est un sunni. Et vous avez en contrepartie des gens qui vous disent « Nahnu min ahli sunnati wal jama'a wa nahnu salafiyoun » On fait partie des salafs. Mais vous le voyez dans ses paroles ou dans sa croyance qu'il est en contradiction avec ce sur quoi il prétend. Alors on pourra dire de lui qu'il n'est pas, il ne fait pas partie de la voie des salafs. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Il ne fait pas partie de la voie que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Je vais revenir sur un hadith que le cheikh a cité en entête de son livre. Ce hadith, il est important car le fait que le mu'allif, l'auteur du livre, l'a placé en tête du livre, nous montre en fait que manhaj an-nubuwa, la voie prophétique, c'est quelque chose qui relève de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose à prendre en considération, en haute considération. Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? D'après Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mandat prophétique sera parmi vous aussi longtemps qu'Allah l'aura décrété. Puis il l'élèvera lorsqu'il le voudra, puis viendra un califat sur la voie prophétique. Et il perdurera jusqu'au terme qu'Allah lui aura fixé. Puis Allah l'élèvera lorsqu'il le voudra, puis viendra une royauté héréditaire qui perdurera jusqu'au terme qu'Allah lui aura fixé. Puis il l'élèvera lorsqu'il le voudra, puis viendra des rois oppresseurs ou un royaume de rois oppresseurs qui perdurera jusqu'au terme qu'Allah lui aura fixé. Puis Allah l'élèvera, puis s'en suivra un califat sur la voie prophétique et le prophète se tue, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mandat prophétique sera parmi vous aussi longtemps qu'Allah l'aura décrété. Aussi longtemps que le prophète fut vivant, la prophétie était parmi eux. Pour quelle raison? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était, avec son peuple, un gouverneur qui jugeait avec les lois d'Allah, avec le livre d'Allah et sa sunna. Donc il jugeait avec la révélation. Donc il avait la place du gouverneur dans son royaume, si on peut dire comme ça. Mais dès la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie s'est éteinte. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par sa mort, comme il était le dernier des prophètes, la prophétie s'est éteinte. Mais il reste quoi? Il reste les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète a dit quoi? Et c'est ça qui est important à comprendre dans ce hadith. C'est que le prophète a dit, Allah va faire venir, après cette prophétie, un califat sur la voie prophétique. Autrement dit, des califes qui seront sur cette voie prophétique. Ces califes, historiquement parlant, furent Abu Bakr, Omar, dans l'ordre chronologique, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ou Al-Hassan ibn Ali. Ils étaient cinq. Cinq califes. Abu Bakr, qui a son khalifa a duré 2 ans à peu près. Ou Omar al-Khattab, son khalifa a duré 10 ans. Puis ensuite Uthman, son khalifa a duré 12 ans. Puis Ali, son khalifa a duré 6 ans. Et Al-Hassan, son khalifa a duré 6 mois. ثم تنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان. Puis ensuite الحسن a donné la gouvernance à معاوية. الخلافة فيكم 30 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le califat après moi sera de 30 ans. Si on accumule les mandats des califes les uns après les autres, on arrive à 30 ans. Pourquoi le prophète a fait une distinction entre al-khalifa ou al-mulk. Al-khilafa ou al-mulk. Le califat et la royauté. Tout simplement parce que ces califs-là, ces cinq califs-là, ce sont eux qui, de par leurs paroles, de par leurs croyances et de par leurs actes, mis en valeur et appliqué correctement les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les lois en vigueur qui devaient être appliquées dans les régions qu'ils avaient sous leur autorité. C'est comme si le prophète était encore vivant et qu'il appliquait les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, ces cinq califes, ils n'ont pas dérogé à cette règle, mais ils ont appliqué l'islam et ils ont jugé avec l'islam avec équité. Et ils n'ont pas fait preuve d'injustice ou d'iniquité envers les musulmans dans toute chose. Donc le prophète a dit quoi ? وَتَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَةِ. Il y aura un khilafa عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَةِ. Thumma, le prophète a dit quoi ? Juste par la suite, il a dit, puis il y aura une royauté héréditaire. عَضًا. Pourquoi on l'appelle عَضًا ? عَضًا, ça vient du verbe عَضًا qui veut dire mordre. Pourquoi ? Car en fait, les rois qui se sont succédés, d'une manière générale, pas tous, il peut y avoir des exceptions, comme Muawiyah, comme Omar ibn Abdel Aziz. Il y a des exceptions, mais d'une manière générale, les rois qui se sont succédés ont été très avides du pouvoir. De telle sorte que c'est comme s'ils se mordaient les uns les autres pour arriver au pouvoir. Comme le dit Al-Mu'allif, Cheikh Mohammed Sa'd al-Raslan, yatakadamuna takadum al-hamir. Ça, c'est l'avidité pour arriver au pouvoir. Chose qui n'existait pas à l'époque des califes. Puis, à la suite de cette étape, politiquement parlant, on arrive à des rois oppresseurs qui jugeront les gens avec al-asa, avec oppression, et qui rempliront la terre d'iniquité et juran, c'est-à-dire d'injustice. D'accord ? Et Sheikh al-Bani, c'est son avis, il dit que nous vivons cette époque-là actuellement. D'accord ? Et ensuite, il viendra après cette période-là, un califa à la minhaj al-nubuwa, sur la voie prophétique. Ceci est une preuve claire, ce hadith nous montre clairement que les musulmans retrouveront leur force qui était celle des premières générations. Les musulmans retrouveront leur force qui était celle des premières générations puisqu'ils auront le califa à la minhaj al-nubuwa, sur la voie prophétique, qui jugeront avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quel est l'objectif du Mu'allif ? Pourquoi a-t-il écrit ce livre ? Pour répondre à cette question, il l'explique, Hafidhullah Tabarak wa Ta'ala, dans la préface de la deuxième édition, et il l'explique aussi dans la préface de la première édition du livre. Il dit, cette deuxième édition vient à un moment où les pays musulmans sont envahis par des vagues de troubles, de désordres, et de chaos. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Alors mon attention dans la rédaction de ce livre était d'anticiper ce qui se passe actuellement, d'anticiper les événements qui se passent actuellement. À titre de mise en garde et à titre de rappel pour nous. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar an-nas la ya'lamun. Allah est lui seul maître de ce qu'il décide, mais la plupart des gens ne savent pas. Il dit ensuite, la voie prophétique est une protection contre l'ignominie dans cette vie-là et contre le châtiment dans l'au-delà. La réalité de l'islam est une bouée de sauvetage pour celui qui s'en imprègne. Allah dit, Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibratan. La sibra, c'est la couleur, c'est la coloration d'une chose. Ici, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di dit, Sibrat Allah, Sibrat Allah wa dinuhu. C'est la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah dans sa religion? Et le Cheikh dit, et cette communauté ne pourra se réformer si ce n'est pas ce qui l'a réformé dans les premiers temps. Il dit aussi, vous trouverez dans ce livre les bases et les fondements de la voie prophétique. Parmi elles, parmi ces bases, le dévoilement et les signes distinctifs des gens de l'innovation et la mise en évidence de leur position, de leur prise de position et l'éclaircissement de leur voie qu'ils ont suivie dans la trahison et la tromperie. Et tu verras aussi dans ce livre que la voie de sauvetage ou la voie par laquelle tu seras sauvé, ce sera la voie prophétique. Car en fait, c'est le dîn par lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été purifié de toute imperfection et de toute souillure. Et il a été annihilé de tout rajout et de toute modification. Aucune autre voie ne peut s'assimiler à la voie prophétique. Celui qui la suit consciencieusement ne pourra jamais s'égarer. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك